بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 8. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتهينا ولله الحمد من صفة العمرة. On a expliqué ولله الحمد، on a détaillé قليلا. والخلاصة، on résume avant de commencer صفة الحج. الخلاصة أن العمرة على des piliers، أركان العمرة. Et ces piliers sont de trois: الإحرام والطواف والسعي. كذلك لدى واجبات الإحرام من الميقات ونبدي الحلقة والتقصير. فالمعتمر quand il arrive au ميقات il se met en état d'ihram comme on avait cité en détail. Il s'habille الإزار والرداء et il s'écarte محظورات الإحرام qu'on avait détaillé. Se couper les cheveux, se raser, etc., mettre du parfum, se tailler les ongles, al-jima', tout ça, il s'écarte, mahdourat qu'on avait détaillé, et yuhil bil-umra. Il dit labbayk Allahumma bi-umra. Fahiyad al-hal, il est en état d'ihram. Il se dirige, bien sûr, on avait dit de son miqat. Et nous, on avait expliqué, pour ceux qui viennent min al-Madina, ils passent par Dhul-Hulayfa. Et il se dirige en direction de Mecca. Quand il arrive à Mecca, il rentre sur le Masjid al-Haram et il fait tawaf, qu'on a détaillé, 7 tours. Il commence par la pierre noire, il finit par la pierre noire. Thumma, il se dirige en direction de Maqam Ibrahim, il fait 2 raka'at. Naam. Thumma, il revient à la pierre noire. Thumma, il va faire As-Safa wal Marwa. Il commence par Safa, il finit par le Marwa. Thumma, al-halq ou al-taqsir. Et on avait dit que si al-hajj c'était proche, al-afdal c'est al-taqsir. Il ne se rase pas à blanc. Il diminue, faqat. Hatta il peut se raser. Il a des cheveux pour se raser pour al-hajj. Et s'il y a un temps assez long pour que ses cheveux reposent, al-afdal c'est al-halq, comme a fait hadith. Ibn Umar, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a pour al-muhalliqin. Allahumma arham al-muhalliqin. Hada khulasat ma akhadna min ad-durus. Bien sûr, avec des détails, walillahi alhamd, des masail, des adilla min al-kitab wa min al-sunnah, avec kalam ahl al-ilm. Et à partir d'aujourd'hui, on commence fi sifat al-hajj. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. أولا تقدم معنا فضائل الحج والعمرة. On a vu ensemble les bienfaits, les mérites du Hajj et de la Umrah. ومن هذه الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حاج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه نعم. Et plusieurs fadaïl qu'on a cité au début des durous fil umra. كذلك on avait cité arkan al-umra et on les a répétés الآن au début du durs. Arkan al-hajj c'est les mêmes. Arkan al-hajj c'est les mêmes que arkan al-umra. Sauf que tu rajoutes al-wukuf bi'arafa. Et ça c'est muhim comme on avait expliqué. Les piliers de al-hajj. لأن لا يصح الحج إلا بهذه الأمور الإحرام والوقوف في عرفة والطواف طواف الإفاضة والسعي tout ça c'est أركان الحج qu'on va détailler. أما الإحرام والسعي والطواف on a détaillé ولله الحمد on détaillera نحن الوقوف في عرفة. كذلك on avait cité شروط العمرة et c'est les mêmes pour le حج الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة tout ça ولله الحمد on l'a détaillé dans les دروس au début المقدمة في مناسك العمرة. كذلك on avait cité واجبات العمرة on avait cité الميقات من المحرم الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الحج إلى des autres واجبات qu'on détaillera inshallah ta'ala. Parmi ces wajibat al-mabit bi muzdalifa, كذلك الرمي ورمي الجمار, كذلك طواف الوداع, الاحرام من الميقات on l'a cité, etc. قال الشيخ محمد ابن حزام حفظه الله تعالى من كان متمتعا في الحج فانه يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المسمى بيوم بيوم التروية. Donc le huitième jour de Dhul Hijjah, anta t'as fini ta umra et t'es halal, t'es pas en état d'ihram. Ce huitième jour, si tu veux accomplir le hajj, tu dois te remettre en état d'ihram. قال ويستحب له قبل الإحرام من الغسل والتطيب ما ذكرناه في صفة العمرة. Bien sûr, tout ce qu'on avait détaillé pour l'ihram, pour la umra, c'est valable ici. أنه يسلاب, il se parfume, etc. قال ويتجرد من ثيابه ويجتنب محظورات الإحرام. Et نعم. Donc il remet les vêtements pour l'ihram, l'izar ou l'rida, et il enlève tous les vêtements qui sont cousus, façonnés pour la partie d'un membre, tout ça il enlève comme on a expliqué, et il se remet en état d'ihram. Et tout ça, taqaddam. قال ويكون ميقات المتمتع هو ميقات المكان الذي أقام فيه بعد عمرته. Vous vous rappelez que pour l'umra, on avait dit, pour أهل المدينة مثلا, ou ceux qui viennent من جهتهم, c'est ذو الحليفة. Pour أهل اليمن, on avait dit, c'est يلملم, etc. أما pour الحج الآن, t'as fini l'umra, فالميقات قال ميقات المتمتع وميقات المكان الذي أقام فيه. Pour le متمتع, celui qui a fait l'umra et qui va faire le hajj, son ميقات c'est où qu'il est. Si tu es à Mecca, dans ton hôtel مثلاً, tu te mets en état d'ihram depuis cet endroit, ton hôtel. Ou dans une maison ou autre. Al-Muhim, مكان الذي تقيم فيه. قال فإذا أقام بمكة أهل بمكة وإن أقام بالمدينة أهل بذي الحليفة. Si il est retourné à la Médina, et ça arrive, il a fait l'Umra, il est venu من المدينة, il est venu à Mecca, il a fait l'Umra. ثم la période elle était assez longue. Il est reparti à la Médina et هو veut faire le Hajj. Enfin, quand il veut venir pour faire le Hajj, il se met en état d'Ihram من ذي الحليفة. ثم يبيع مكة ثم يبيع مينا كما هو expliqué il commence الحج. فيقول il dit quand il se met en état d'ihram, لأن on avait dit se mettre en état d'ihram c'est pas changer ses vêtements, se laver, etc. Là, se mettre en état d'ihram c'est niya niya tinusuk, tu te mets, t'as l'intention de faire الحج. فتقول لبيك اللهم بحج أو لبيك حجا نعم. Tu formules cette phrase et à partir de ce moment, t'es en état d'ihram, tout ce qui était interdit pour l'umrah, min al-halq wa taqsir al-sha'r wa at-tayyib, etc., tout ça, ça redevient interdit, li annaka t'es muhrim. Qala al-allama, al-sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, fi sharh manasik al-hajj wal-umrah, قال ولا حاجة إلى أن يذهب ليحرم من المسجد الحرام. Ça c'est un tambih muhim. لأن بعض الناس ربما يpense que faire se mettre en état d'ihram من المسجد الحرام c'est أفضل. Et ça, il n'y a aucun دليل على هذا. قال الشيخ أو من تحت الميزاب. الميزاب هو الذي يستخدم لتصريف الماء أو المياه. Il est à'la al-Ka'ba. C'est comme un tuyau pour évacuer l'eau de l'Ka'ba. Et بعض الناس, ils ont un i'tiqad anna se mettre en état d'ihram هناك c'est afdal. Wa qala al-Sheikh kama yudhkar fi ba'd al-kutub fa hadha mimma la asla lah. Fa hadha al-shay ya aucun asl. Ya aucun fondement ala hadha. Qal wa hadha fihi haraj ala al-hujjaj. Kadhalik. كذلك أنه في حرج. Si tous les حجاج vont et se mettent en état d'ihram هناك, il y aura un حرج كبير. ربما c'est loin de l'endroit où tu es مقيم. Il y aura du زحام, etc. Et c'est من المحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, ils se sont mis en état d'ihram proche de Mecca et ils ne sont pas partis في المسجد الحرام عند الكعبة. قال فيحرمون من منازلهم. C'est ça السنة. Donc, tu te mets en état d'ihram dans l'endroit où tu te trouves, fi Mecca. Qala Cheikh Abdel Aziz bin Baz, rahmatullah alayhi, wa yukthiru al-hujjaj min al-talbiya ila an yarmu jumrat al-aqaba. Et ça viendra, inshallah. Donc, à partir de ce moment, tukthir min al-talbiya li annaka te muhrim. Jusqu'à que tu lances les pierres fi jumrat al-aqaba wa sayati ma'ana. مسألة هل من السنة أن يطوف بعد إحرامه كذلك بعضهم إذن هذا الاعتقاد أنهم يطوفون يفون طواف après s'être mis en état d'ihram ils se mettent en état d'ihram ils font un طواف. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه المغني قال ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه. C'est pas minas sunnah. C'est pas minas sunnah. Il faut bien comprendre que nous, en tant que musulmans, en tant que mu'minoun, on a un modèle. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلِهَذَا قَالَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ. نعم. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, on le fait. Ce qui nous a pas donné, qui nous a interdit, on ne le fait pas. فهذا, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait هذا? Là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, خذوا عني مناسككم. فأنت الآن, tu vas faire ces manasik, ces a'mal azima. C'est un rukn min arkan al-islam. Tu dois le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. فللأسف هناك ترى بعض الناس, ils font des choses, que ce soit في الحج ou في العمرة. Manasik, ils font des choses, il n'y a aucun burhan, aucun dalil, c'est cité dans aucun livre. Et même si c'est cité dans un livre, ils font une hujja. Lakin ba'danas l'an, ils ont atteint un bu'd, et ils ont atteint un niveau fil jahl, wallahu musta'an, annahum des choses, rubbama la ahad, c'est cité dans aucun livre. Encore, il y a des choses, c'est cité, toma yundra, est-ce que c'est thabit amla? Tu peux trouver une excuse à ba'danas, annahum rubbama il a lu, il n'a pas réussi à faire la différence. لكن بعض الناس الآن يفعلون دي الشوز فلا أصل لها لا في قرآن لا في السنة ولا في كتب هذا سأفغير عن باب خطير جدا فالعبادة توقيفية تفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما تريد فاتقوا الله ما استطعتم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ni ses compagnons écarte-toi c'est un باب شر ça serait un bien il t'aurait devancé فسي ça serait un bien de faire طواف après الإحرام أحرص الناس على هذا الخير ça serait les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام لكن ils ne l'ont pas fait on s'écarte et on se met en état d'ihram et tu te diriges vers Mina, comme ça y est. قال ابن عباس. On continue كلام ابن قدامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ولا يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا. أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد رجوعهم من عرفة. نعم. Après نعم. Il y aura un jour après Arafa où tu devras faire le tawaf ou le sa'i. لكن في هذا الحال il n'y a pas de tawaf, il n'y a pas de sa'i. الثامن من ذي الحجة, le huitième jour de ذي الحجة, il n'y a pas de tawaf et il n'y a pas de sa'i. انظر فتح العلام للشيخ محمد il a détaillé هذه المسألة. Donc est-ce que ça fait partie de la sunna de faire le tawaf après l'ihram? Là. Est-ce que ça fait partie de sunna de se mettre en ihram au masjid al-haram? Et tu vas faire le masjid al-haram? Là. À côté de la Kaaba, là. Tu te mets en ihram où que t'es. T'es dans ton hôtel, tu te mets en état d'ihram. Thumma, tu continues al-manasik. Fa fil yawm al-thamin min dhil-hijja, yatawajjah al-hajj ila Mina. Donc, t'es à Mecca, t'es dans ton hôtel, tu te diriges en direction de Mina. Et c'est pas loin de Mecca, c'est à côté. قال ويستحب له أن يصلي الظهر فيها ثم يقيم فيها فيصلي فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر. Donc, tu te diriges vers Mina. Ça sera avant le dhuhr. Tu arrives à l'heure du dhuhr, et c'est ça le mustahab, tu fais salat dhuhr هناك. Bien sûr, on va voir deux rak'ah. Les salats où il y a quatre rak'ah, il les fait en deux rak'ah. Sans faire de jam'ah. Ça veut dire que tu fais dhuhr à l'heure de raka. Avec le jama'a. Il y a un musalla هناك ou un masjid et il y a du monde. Donc tu feras salat avec le jama'a de raka'a de dhuhr. Thumma, salat l'asr, de raka'a à son heure. Thumma l'maghrib, trois raka'a. Thumma l'isha, de raka'a à son heure. Sans faire de jama'a. Thumma al-fajr. C'est ça la sunna le premier jour. Fal'an du dhuhr, du huitième jour, jusqu'au fajr, du neuvième jour, t'es à Mina. قال يقصر الرباعية من غير جمع وهذه الإقامة بمنى من سنن الحج ومستحباته ومن تركها فقد ترك سنة وحجه صحيح. فاس الحكم أن هذه الإقامة بمنى من السنن مستحب سيبوبليكاتور فمن ترك هذه السنة son حج صحيح. On va voir l'essentiel pour qu'il soit sahih, c'est qu'il assiste à Arafah. Amma s'il a manqué le début, amma s'il a une raison, fa yaqullah azza wa jalla, comme on a cité le verset, fattaqullah mastata'tum. Et ça doit pas le, il doit pas croire que son hajj il est batil et il renonce. Là, il faut qu'il assiste à Arafah et il continue son hajj il est sahih. Parce qu'il a une excuse, il a une excuse, ça peut arriver. Un retard dans les transports ou il était malade, il est tombé malade, ou min al-a'dhar al-ma'ruf. Lakin celui qui n'a pas d'excuse, fala la yanbaghi lah, il délaisse ce khayr. T'es parti que pour ça, falimada tu délaisserais. Walillah alhamd al-muslimoun qui vont هناك pour faire al-hajj, walillah alhamd yastabiqoun. Ils sont motivés, walillah alhamd, ils se pressent pour aller à Mina. Farihin et هذا c'est المعروف لله الحمد. الدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه الطويل. On avait dit c'est une référence في مناسك الحج والعمرة. Selon حديث جابر il raconte le حج du prophète صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فسيسا السنة. قال وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية قال بمنى. Donc on a cité ce hadith, hadith Anas et hadith Jabir, pour bien montrer que السنة c'est de faire الظهر في منى. حديث عائشة رضي الله عنها يا حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها elle s'est retardée et elle n'a pas prié, elle n'a pas fait salat al-tuhur fi Mina, lakin elle avait un udr. Wallahu ta'ala a'lam. Fa-sunna, c'est ce qui est cité dans le hadith Jabir et hadith Anas. Annaka tu fais al-tuhur fi yawm al-thamin, yawm al-thamin min dhil-hijjah, tu fais al-tuhur fi Mina. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع إذا خرجوا يوم التروية إلى منى فالسنة أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وهذا لا خلاف فيه والسنة أن يبيتوا بمنى ليلة التاسع الليلة التاسع لأن ست نويس التاسع ونبه أنا بعض إخوان ربما ils ont l'habitude de compter avec autre que les que la méthode arabe. Ta'lamoun anna la méthode arabe et bien sûr le calendrier de l'Hégire c'est hakada anna le jour la nuit elle est avant le jour. Fa mathalan demain on est mercredi à partir du fajr jusqu'au maghrib qaddir on donne un exemple on est le 8 de Dhul-Hijjah. Fa demain le 8 de Dhul-Hijjah c'est du Fajr jusqu'au Maghreb. À partir du Maghreb, on est le 9. La nuit du 9. Enfin, la nuit, elle est avant le jour. Enfin, la nuit du 9, elle commencera demain au Maghreb. Et après demain au Fajr, ça commencera la journée du 9. Hada mafhoum. Hada c'est muhim. Hatta tu comprends kalam ahl al-ilm. Enfin, on répète l'an kalam al-imam al-Nawawi. Qal wa hada la khilaf fihi. Wa sunnah. أن يبيت بمنى ليلة التاسع. Donc, t'es arrivé à Mina al-Dhuhr. T'as fait Dhuhr deux rak'a. Thumma t'as fait l'Asr deux rak'a. Chaque salat a son temps. Thumma t'as fait le Maghrib. Quand tu fais le Maghrib, t'es rentré dans la nuit du 9. Thumma t'as fait l'Isha, t'es dans la nuit du 9. As-Sunnah, c'est que tu dors jusqu'au Fajr. Cette nuit que tu vas dormir, c'est le 9. Qala wa hadha al-mabit sunnah laysa bi rukn. Na'am. C'est pas obligatoire, c'est pas un pilier. Qal wala wajib. Ça c'est important de savoir, on répète comme on avait expliqué à nos frères dans les premiers durus, quand les ulama citent anna hadha shay sunnah, c'est pour que tu comprennes anna si tu manques, fala shay alayk. T'as pas fait un dhamb, t'as pas de fidya, t'as pas de tauba à faire, t'as pas un amal à rattraper là. L'anna c'est pas obligatoire. Ça veut pas dire que quand ils disent c'est une sunnah, anna on doit le laisser là. Là, ben, on doit s'entraider, faire des efforts pour appliquer As-Sunan. As-Sunna fiha khayr. Qala, falaw tarakahu fala shay'a alayh, lakin fatathu al-fadila. Hadha ila nabbah, rahmatullah alayh. Falaw tarakahu fala shay'a alayh. Celui qui manque hadha al-mabit fala shay'a alayh. Lakin, il a manqué une fadila azima, une récompense azima. قال وهذا الذي ذكرناه من كونه السنة لا خلاف فيه. Ça c'est بالإجماع نقله أو نقل الإمام النووي عدم الخلاف في هذه المسألة. ثم قال شيخ محمد وفقه الله ثم يستحب للحاج أن يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. Donc la journée du 8 tu l'as fait Mina. La nuit du 9, t'as fait le Maghrib ou l'Isha, et Isha de Raka, t'as passé la nuit à Mina. Al-Fajr, tu le fais à Mina. Thumma, tu attends que le soleil se lève, Tulu' al-Shams, Thumma, tu prends la direction de Arafa. Qala thumma yustahab lil-Hajj, an yatawajjah ila Arafa ba'd Tulu' al-Shams min al-yawm al-tasi', wa yulabbi bit-talbiyah. Na'am, il est toujours en train de dire la talbiyah. قال المعروفة وإن شاء كبر فقد قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر أو فلا ينكر عليه قال ويكبر منا المكبر فلا ينكر أو ولا ينكر عليه هذا فعل الشواء tu peux faire التلبية tu peux faire le تكبير et là la yambaril inkar ala ala man fa'ala hadha aw hadha kama fi hadith Anas fi sahihayn qal wa la yajuz tahri at-talbiya jama'iyan bi sawt wahid fa inna dhalika min al-muhdathat taqaddam ma'ana fi sifat al-umrah. N'am, ne pas dire les athkar en groupe, que ça soit le takbir, que ça soit talbiya ou autre, chacun y récite ou y dit ma huwa mashru' et dans tout seul. Wa yarfa' sawtahu. Yarfa' sawtahu, lakin at-tahri, tahri ay le fait de volontairement vouloir faire tous ensemble, ça c'est min al-bid'ah wa al-muhtathat. Wa dalil Anas yadul 'ala hadha. Il y en a certains d'entre eux ils faisaient le takbir et certains d'entre eux ils disaient at-talbiya. Ça montre qu'ils ne faisaient pas un dhikr bi-sawt wahid, ils disaient tous la même chose. Là, il y en a le dhikr, c'est pas le même, donc ils ne peuvent pas le dire en même temps. Voilà. قال ويستحب للحاج أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نميرة. نعم. Donc, il se dirige direction Arafah. Il dit talbiya, etc. Comme on a expliqué. Lakin, yustahab, il y a une sunna avant d'arriver à Arafah. Annahu, il fait sala. Al-dhuhr wal-asr jam'an wa qasran fi masjid Namir. Et c'est le grand masjid. Il est ma'rouf hunak. C'est dans lequel l'imam, al-mufti, waffaqahu Allah ta'ala, li kulli khayr, il fait sa khutba. Et thumma, tu te rends en direction de Arafah. قال وقصرا في مسجد نمرة بعد أن يسمع خطبة الإمام فيه ثم ينصرف إلى الوقوف بعرفة. Tout ça c'est cité dans hadith Jabir radiyallahu ta'ala anhu. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم il explique hadith Jabir. قال السنة أن لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس. Donc ça c'est muhim. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, il y en a fait la haqiqa, t'as le temps. Tu dois bien anta comprendre en la fil hajj, ou fil umra, ou autre. Si tu appliques la sunna, t'auras le temps de faire la ibad. Ce qui fait du mal, c'est al-jahl. Ce qui fait du mal, c'est le bid'ah, al-khurafat. C'est ça qui pourra te faire perdre ton temps. Ba'd al-nas l'an, ربما ils font des bid'ah, des khurafat. Fil hajj ou fil umra, et ils n'arrivent pas à accomplir certaines sunnan, il n'a plus le temps. C'est normal, il fait des amal qui ne sont pas légiférés. Enfin, ça lui fait perdre son temps. Amma antel an, si tu appliques sunnah, tu fais le fajr fi mina, t'attends tolou' al-shams, tu te rends direction Arafah. Tu passes par Namira, tu fais salah, Inch'Allah, tu auras le temps. Là, tu vas arriver tôt, tu trouveras ta place dans le masjid, tu fais salah jama'a, dhuhr et l'asr en même temps, al-mufti. حفظه الله تعالى يفي son discours تستفيد لأن c'est عالم من العلماء فستستفيد منه جدا et ensuite tu vas direction عرفة tout ça t'aura le temps إن شاء الله تعالى فلا تستعجل vouloir prendre de l'avance ou là suis سنة والسنة فيها بركة tu trouveras de la baraka dans ton temps إن شاء الله تعالى بركة الأجر تتخبغى بإذن الله يوم القيامة دي حسنات نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص. قال وهذا متفق عليه أي أنه كتمنا أبخي طلوع الشمس. ميديتي بيان سور الكلام الآن سور الأحاديث سور كلام أهل العلم. قال حتى تطلع الشمس إلا بدي بعد الفجر لأن كون تو في صلاة الفجر يا أن طون بور كو لو سولي سوليف. Le soleil ne se lève pas directement. Par Obama, ça sera 45 minutes, 50 minutes, une heure. Ça dépend des endroits. Là, il y a plus d'une demi-heure. Donc, t'attends. Là, t'estajid. Il ne faut pas comprendre ce kalam. Ba'd al-fajr. Là. Ba'd tolou' al-shams. Et c'est différent. Wa qala l'imam al-Nawawi, il explique hadith. Jabir qala wa amara bi qubba. Tudrab lahu bi namira. Qala fihi istihbab al-nuzul bi namira. Namira, c'est cet endroit qui ne fait pas partie de Arafah, lakin c'est collé à Arafah. C'est l'endroit où il y a le grand masjid. قال من منى لأن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد الشمس أو إلا بعد زوال الشمس. نعم. كذلك et ça c'est un tanbih طيب de la part de l'imam النووي رحمة الله عليه. أن السنة c'est que tu arrives à Arafa après Zawal, et après Dhuhr. Donc, si tu as quitté Mina après Tolu al-Shams, tu as fait le Fajr, tu attends Tolu al-Shams, al-Shuruq, tu te diriges Namira, Majid Namira. Tu vas arriver dans la matinée, tu restes là, Tumma, à l'heure du Dhuhr, l'imam il va faire Dhuhr et l'Asr en même temps, ou Dhuraka, Dhuraka, Jam'an, Aqsud, Tumma, si tu respectes hein, cette tertib, Tumma, t'écoutes le khutbah, tu vas te rendre à Arafa obligatoirement après le Dhuhr. Et tu auras appliqué la Sunna. Qala, qala li anna Sunna an la yadkhulu Arafat illa ba'd al-Shams wa ba'd salatay al-Dhuhr wal-Asr jam'an, fa Sunna an yanzilu bi namira, fa man kana lahu qubba darabaha. Hada kama ja'a fi hadith Jabir. وقال كذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع أما الكلام كما يتسته بخصدامان من شرح صحيح مسلم شرح حديث جابر أما هذا من المجموع كتاب مفيد جدا للإمام النووي قال إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف فكنت فيني أخي الكريم الصلاة الإمام إلى فيصل سخطبة Il a fait dhuhr, deux rak'at, l'asr, deux rak'at, qasran wa jam'an, un adhan, et ils font deux iqama. Deux salat, deux rak'at, aqsud al-dhuhr, al-taslim, thumma al-muadhin ghafil iqama, deux rak'at pour l'asr, thumma al-taslim. Quand t'as fini hada, fa mubashara, idha faragu min salatay al-dhuhr wa l'asr, fa sunna an yasiru ila l'hal ila l'mouqib. Tu te diriges directement en direction de Arafa. Et c'est à côté. قال ويعجل المسير وهذا التعجيل مستحب بالإجماع. Et ça c'est une sunna. في هذا الحال de s'activer. قال ويعجل المسير. Masir c'est la marche. Fait tu marches plus vite pour arriver à Arafa. فالسنna comme on a dit فيها خير وبركة. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a tout montré مناسك الحج والعمر. Il y a des endroits où tu dois te précipiter. Précipite-toi. Il y a des endroits où tu dois attendre. Attends. Il y a des endroits où tu dois pas aller dans tel moment, tel endroit. N'y va pas. Il y a des endroits où tu dois faire tel nombre. Matalan tawaf cette fois. Sa'i cette fois. Enfin, respecte hadil umur. C'est ça que dit. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous démontrer hadil umur. Enfin, on respecte hadil. Fil hajj ou fil ghayr al hajj. مسألة من فاتته الصلاة مع الإمام في مسجد نمرة. Et ça, ça arrive. Ça arrive. إما زحام إما شيء آخر مهم إلى عذر. Et il ne fait pas الصلاة مع الإمام في مسجد نمرة. Le مسجد donc le مفتي il donne son discours. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام أي الظهر والعصر. Le neuvième jour, on est l'un. On est le neuvième jour, le jour de Arafa. قال فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. نعم. S'il est tout seul, il fait الصلاة tout seul. Et il fait القصر والجمع. Comme on va citer le dalil, le hadith, Ibn Umar. Même s'il est tout seul, il fait deux rak'at, il sallam. ثم il fait deux rak'at à l'asr, il sallam. S'il y a du monde avec lui, qui n'ont pas fait as-salat kadhalik, ils n'ont pas pu faire salat ma' al-imam, fa ils font jama'a et ils font salat ensemble. Fa sahha an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu jama'a bayna adh-dhuhr wal 'asr wa huwa munfarid. Kama fi musannaf ibn Abi Shaybah, kadhalik l'imam al-Bukhari l'a cité mu'allaqan. Thumma ba'da dhalik al-wuquf bi 'Arafah. Après tout ça, Al-An, t'as dormi à Mina, t'as fait le fajr à Mina, t'as attendu que le soleil se lève, t'es parti en direction d'Arafat, tu t'es arrêté, Majid Namira, t'as fait As-Salat, t'as écouté le khutbah, etc. Tu te rends à Arafat. Qala al-wukuf bi Arafat ruknun min arkan al-hajj. Qala fala yajuz lil-hajj tafwit al-wukuf bi Arafat. Naam. Ça c'est الركن الأعظم. C'est le pilier le plus important. فلهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. Ça c'est le عمل le plus important في الحج. الوقوف بعرفة. Iyak wa iyak, de manquer ce jour. Si t'es hunak. Et ça arrive. Ça arrive. Ba'd an-nas rubbama jahl, ils retournent à Mecca, où ils sont fatigués, ils vont dans un endroit où ils pensent qu'ils peuvent rattraper jahl. Iyak. Et tu ne sais les gens. Si tu, dans ton groupe, une personne, rubbama, elle pense qu'elle peut rattraper hadal yawm, ou c'est pas obligatoire, ou tansahou. Anna al-hajj c'est Arafa. S'il manque hadal wukuf, il n'a pas de hajj. Hajjuhu, il est batil. Il est obligé de le refaire. Si c'était hajjatul islam. Qala, wa yasqut ar-rukn bil wukuf bi Arafa, walaw waqtan yasiran. Même un temps minime, si il est parti à Arafat, bien sûr dans la période légiférée qu'on va voir, et il est resté à Arafat même un temps minime, son hajj il est sahih. Bien sûr s'il continue après tous les arkans. Naam. Falla bud yaqif fi Arafat, walaw waqtan yasiran. Qala li hadith Urwa ibn Mudarris radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lah, من أدرك معنا هذه الصلاة يعني بمزدلفة قال وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم celui qui assiste au موقف عرفة فصحيح il est صحيح الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني قال الوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا إجماع العلماء أن الحج ليبقى صحيح كسي الحاج إلى سيست أسو موقف ولو وقتا يسيرا يعني حديث كذلك عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة Il était مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة فإلو يدموندي أو فجاءه نفر من أهل نجد فجاءه نفر من أهل نجد أي un groupe de personnes sont venus من نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج Ce groupe de مؤمن صحابة من نجد Ils sont venus et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Kayfa al-hajj ?» قال النبي صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » Il leur a démontré que l'hajj c'est عرفة. Et si tu assistes à عرفة, ton hajj il est valide. Si tu n'assistes pas, ton hajj il est pas valide. قال فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع المراسب مزدلفة قال فقد تم حجه الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه اللي صحح في الجامع الصحيح فالحديث ثابت والشاهد منه الحج عرفة قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يبدأ زمان الوقوف كلام الآن اللي مهم فريكابيتولي سكون عندي الآن الآن الحج عرفة تي اوبليجي داسيستي ولو وقتا يسيرا لكن يعني بيريود يعني ديبو et une fin. Enfin, avant le waqt, le waqf il n'est pas sahih, et après il n'est pas sahih. Donc celui qui manque cette période, fala hajjala. Léana Nabi sallallahu alayhi wa sallam al hajj arafa. Qala yabda zaman al waqf min zawal al-shams yawm arafa. Donc ça commence à partir du zawal. Alors zawal c'est le dhuhr. Yawm arafa. Aïe le 9 de Dhul Hijja. Un jour après Mina. Ça commence cette période. قال ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم العيد. ليلة يوم العيد c'est le dixième de Dhul Hijja. ثم le jour du dixième, ça sera tous les أعمال, الطواف, قبل ذلك النحر, etc. Donc, à partir du neuvième jour de Dhul Hijja, وقت الزوال الظهر, jusqu'au فجر. Donc toute l'après-midi et toute la nuit. هذا c'est ça وقت عرفة. يا خلاف في في في الوقت الابتدائي وبعضهم يقول ويستدلون بحديث عائشة أنه سيكمنس الفجر لأن في الحديث أن حديث عائشة أو حديث ابن مدرس ينظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا démontré أن الوقوف في عرفة ليلا أو نهارا النهار سيكمنس à partir du فجر نعم هذا هذا بعضهم يديز الظهر بعضهم يديز الفجر أما celui qui sort من هذا الوقت فإلا قد حج On répète Kalam Cheikh Abdou Mohsen, Kale yabda zaman al-wukuf min zawal al-shams, yom arafa. On a dit hada fi khilaf. Ba'dahoum ils disent ça commence min al-fajr. Kale wa yamtadi la tulu al-fajr min laylat yom al-nahar. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waqafa biha ba'd al-zawal. Kama fi hadith Jabir, radiyallahu anhu. Amma nabi sallallahu alayhi wa sallam, waqafa après al-zawal. C'est ça l'afdal. C'est ça l'afdal. Et nahnu, on reste à la hada. Le waqt, ça commence waqt al-zawal et ça se termine al-fajr, le jour d'après, le dixième jour de Dhul-Hijja. Tanbihun, Cheikh Abdel Mohsin, hafidahullah ta'ala, قال, وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة. Et ça, c'est مهم. Tu trouves بعض الناس, ربما يفتعد. تعلمون أن عرفة, هناك, ils ont mis des panneaux. Des alamat, des signes pour te montrer que tu es à Arafat. Donc il faut faire attention, Akhi al-Karim, de ne pas sortir de Arafat. Lian al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala al-hajj Arafat. Parce que celui qui est waqif et il n'est pas à Arafat, voilà de quelques mètres. Son hajj il n'est pas sahih. Lihada al-ulama da'iman yunabbihun. Et anta kadalik, c'était huna, que tu vois quelqu'un qui est sorti de la limite, l'espace limité à Arafat, fa tunabbihu. On a pu voir qu'il rentre dans cet espace. Le Nabi, c'est lui qui nous a démontré qu'on doit faire le wukuf dans ce lieu. Qala wa ala al-haj an yatahaqqaq an nuzulahu fi ardi Arafah. Wa dhalika bi an yakun fi dakhil al-alamat allati wudi'at li hudud Arafah. N'am. Fahunak wa lillahi al-hamd. Ta'lamoun, ils ont de la inaya bi hadhi al-umur. Et ils ont limité cet espace de Arafah. Avec des panneaux, etc. Enfin, anta, quand tu fais le hajj, quand tu vas pour al-mawqif Arafah, tu vas dans cette limitation. Wala takhruj. Qal li anna al-wuquf bi Arafah ruknun la yatimu al-hajj illa bihi. Eh, na'am. Enfin, ça, c'est muhim. Kadhalik, al-afdal, inda hada al-wuquf, comme ça yati ma'ana, C'est un moment où tu dois faire des du'a, des afkar, etc. As-sunna, c'est annaka tastaqbil al-qibla. Que tu sois debout, assis. Lena, quand on dit al-wukuf vi'arafa, kama nabbaha shirun al-thaymin, rahmatullah alayhi, quand on dit al-wukuf vi'arafa, ça ne veut pas dire que tu dois rester forcément debout. Là, tu peux être sur ta monture, tu peux être assis, tu peux être debout. Al-muhim, tu es présent. Lakin as-sunna, c'est que tu sois تستقبل القبلة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة أساس الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة هذا سنتنبيه مهم أما ما يفعله بعض الناس أنهم يظنون اعتقاد أن في ذلك الموقف أنه سأفضل أو سمن السنة أو سمن عبادة de monter sur الجبل ce qu'ils appellent جبل الرحمة أو جبل عرفة أو جبل الموقف المهم الجبل كهنا بعض الناس يعتقدون أنه ينفضل الشيخ الألباني رحمة الله عليه نص رسالة إلى سيت هذا في المحدثات والبدع في بدع لشابيت خلافان إلى ستة تعلمون شغل الألباني سري سلالة نافعي تكسليك مناسك الحج والعمرة إلى فان يسيت لبدع بدع الإحرام بدع الطواف بدع السعي دون بدع عرفة يسيت هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى والرسائل قال الصعود على الجبل أو على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة نعم لأن العبادة تأبليجي دابغا دليل قال الله قال الرسول اسكو الصحابة يزون في هذا الشيء ونحن الآن لا دليل لا من كتاب لا من سنة الصحابة يزون في هذا الشيء فسيبا مشروع قال قال شيخ ابن عثيمين بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة. نعم. S'il pense que c'est mieux alors que c'est une ibadah, c'est une bid'ah. Mais s'il y a du monde et il se retrouve هناك, maintenant il y a du monde, ou il s'est assis هناك, pas parce que c'est une ibadah ou autre, c'est pas une bid'ah. La bid'ah, c'est le fait de croire que cette chose c'est une ibadah alors que c'est pas une ibadah. C'est ça la bid'ah. Voilà. La plupart des gens, ceux qui font هذا, ils ont une aqidah. فلهذا tu trouves que le jabal est imtali bil nas. لأنهم يزون عقيدة أنه سمي بل هناك كما تعلمون زحام etc. Et ça c'est الجهل. أما celui qui a la علم il sait que عرفة c'est tout l'espace, tout l'espace, où que tu sois t'es considéré être عرفة. أما تحري الجبل et tu penses que c'est mieux et que c'est une عبادة, هذا c'est من البدع والمحدثات. قال الشيخ ابن عثيمين قال لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة ولا أن يعمل به على أنه عبادة. هذا الخلاصة. كذلك اللجنة الدائمة يزون تنبيه يزون فتوى في هذا. هذا إن شاء الله سمعروف عندكم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال الآن الشيخ الألباني va nous démontrer qu'est-ce qu'on doit faire. Al-An, c'est un jour important, Al-Tazi' min Zil-Hijjah. C'est un jour important pour le Hujjaj. Al-Annahu, c'est le pilier du Hajj. C'est le jour, la ibadah la plus importante, fil Hajj, al-Wukuf, fi Arafah. Et c'est un jour important, kadalik, pour gérer le Hujjaj. Fali-Hada, Shuri'a, Al-Siyam. Yukaffir al-Dunub, al-Sana al-Madiya, wal-Mukbila. Siyam, yom Arafah. Naam, c'est un jour muhim. Pour le Hujjaj, قال شيخ الألباني ويكثر فيها من التهليل فإنه خير دعاء خير الدعاء يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة. Donc la meilleure parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit et que tous les autres prophètes ils ont dit fi arafa, c'est hada al-dhikr la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Fatukarrir hada, hada tu le répètes, lana c'est afdal kalam fi dhalika al-makan. Qala wa la yazal hakadha dhakiran, donc ce dhikr et autres mulabbiyan كذلك التلبية داعيا بما شاء كذلك تكثر من الدعاء. فالوقت لي قصير لأن on va voir que غروب الشمس au مغرب tu dois partir. فتي arrivé après الظهر. Donc c'est une période courte. Après الظهر jusqu'au مغرب il y a quelques heures, ربما 3 heures أو أقل أو أكثر قليلا. فتجتهد فيها. وإياك والجدال. أولا أنت en état d'ihram. T'es محرم. Et tu es en train de faire un rukmin arkan islam. Tu n'as pas de temps à perdre. Et c'est un jour, la dua, elle est mustajab. Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le hadith, il descend au premier ciel, etc. Fajtahid akhi al-karim. Iyak, iyak, wal-qil, wal-qal. Ou an-niqash al-fariq. Ou la. Fait à l'hal, l'hakika, tu n'as pas le temps. Fait à l'hal, tu te mets en direction de Qibla. Tu t'écartes un peu. Si ça te dérange, rubama kalam al-nas, etc. Et t'ajtahid. C'est un jour عظيم. ربما c'est un sabab que Allah subhanahu wa ta'ala il te fait على الحق, il te guide par des choses tu lui demandes, etc. قال ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء داعيا بما شاء راجيا من الله تعالى ان يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه نعم قال وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Et il y a plusieurs hadiths dans ce sens. أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم أي بهؤلاء Al-Mu'minoun, qui sont venus et ils ont ce vêtement, ils ont la tête découverte et ta'ibou, ils sont venus musafirin, etc. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihim al-malaika. Hada c'est un fadl azim. Fa si Allah subhanahu wa ta'ala est tawaffaq de faire partie de hada al-jam', alhamdulillah. Wa ijtahid fi ad-du'a. Mas'ala. Et on finit, na'am, on cite une ou deux mas'ala avant de finir. Hal yasum al-hadi yawm Arafa? Ce jour, c'est un jour, il y a une fadila azima pour faire le siyam. Mais est-ce que le hajj est concerné? Qala Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, wa sunna lil waqif fi Arafa, an la yasum hadha al-yawm. As-sunna, c'est que le hajj, est celui qui fait le hajj, qui est Arafa, as-sunna, c'est qu'il ne fait pas le siyam. As-sunna, as-siyam, fi dhalik al-yawm, c'est pour ceux qui n'ont pas fait le hajj. Wa dalil ala hadha hadith al-fadl, bint al-harith fi al-sahihayn, أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم نعم اختلفوا بعضهم ils ont dit هو صائم أي le prophète صلى الله عليه وسلم بعضهم à l'époque quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait le hajj حجة الوداع quand il était في عرفة بعضهم ils ont dit النبي صلى الله عليه وسلم il est صائم بعضهم قالوا ليس بصائم قال فأرسلت أي أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. النبي صلى الله عليه وسلم il était واقف sur sa monture, sur son chameau, et il a bu من هذا اللبن. Pour montrer أنه عليه الصلاة والسلام il est pas صائم. Et c'est ça السنة في حق الحاج. أما غير الحاج فالأفضل c'est qu'il fasse الصيام. Il y a un فضل عظيم كما الحديث أبي قتادة on l'a cité أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. هذا الحديث اللي في صحيح مسلم. Une dernière masala, هل يشترط الطهارة للوقوف؟ Est-ce que celui qui est واقف في عرفة doit être على طهارة؟ Et s'il n'est pas en état de, il a pas ses ablutions, il n'est pas على وضوء, son وقوف il est باطل. قال الإمام ابن المنذر أو نقل الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه الإجماع على عدم الاشتراط. C'est pas un شرط d'être على وضوء. Fi al-mouqif. C'est pas une condition. Enfin, celui qui est waqif et il n'a pas l'oudou, enfin, son wuquf, il est sahih et son hajj, il est sahih. Naam. Et le dalil ala hada, on l'a cité plusieurs fois, fi sahihayn, hadith Aisha, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fa'ali ma yaf'al al-hajj, ghayra an la tatoufi bil bayt, hatta tatour. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous rappelez, il avait dit à Aisha, tu fais tout ce que le hajj y veut, sauf at-tawaf. Et là, chacun a le hajj, bel, c'est a'azam l'a'amal, c'est al-wukuf via Arafah. Hatta al-ha'id, hatta al-nufasa, etc., elles assistent. Et à partir de demain, inshallah, on commence. Al-an, après Arafah, al-an, il va se diriger direction Muzdalifa pour passer la nuit fi Muzdalifa. Naktafi bihal. Subhanak lahum hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.